Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages. Bonsoir chers auditeurs, nous voilà de retour pour vous accompagner pendant cette nouvelle saison Riadur Sionique qui décolle aujourd'hui. Le bureau est ovale, il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Eh oui, c'est nous, Masque et Mil Imágenes en français. Nous vous avons manqué, nous aussi. Nous avons bien pensé à vous le long de ces mois. On la perce, c'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression. Petite chose, dégâts immenses. C'est pourquoi nous avons préparé une émission incontournable avec beaucoup de surprises, à commencer par les présentations des élèves en première année de l'école officielle de langue. Si au soleil tu t'endors de Biafine, écoutez-les. Tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. 晚上好. Ukamaraki Mahacha Aruntawi. Je suis cet homme heureux. Vous venez d'écouter Bonsoir en chinois, Aymara, les langues de quelques élèves de la première année qui vont se présenter. Qui s'aime du bout des yeux. Je suis cet inconscient. Bonsoir, moi c'est Nan, je suis chinoise. Et toi, comment tu t'appelles? Bonsoir les Boliviens. Moi, je m'appelle Amparo. Et toi, Boliviane. Et toi? Buenas noches, moi c'est Laura et je suis espagnol. Et toi? Buenas noches, je suis Luciana et je suis argentine. Je suis... Tiens, moi aussi, je suis argentine. Je m'appelle Graciela. Toi aussi, tu es argentine, Pilar? Non, je suis espagnol, mais je suis d'origine argentine et chilienne. Et toi? Qui ne sait pas jouer. Non, je ne suis pas argentine. Je suis chilienne et je m'appelle Soledad. Et toi? Moi, c'est Miguel. Je suis mexicain. Et toi? Je m'appelle Jacqueline et je suis colombienne. Super tranquille. Et pour finir, moi, c'est Estivaliz et je suis espagnol. Sophie. Et cet homme quelque part combat ou qu'on fusille. Je suis celui d'en face et celle d'à côté. Je suis celui qui passe à proximité. Je suis ce vagabond aussi rond qu'un ballon qui n'est pas à l'abri d'un ultime rebond. La deuxième surprise vient d'outre-mer, d'au-delà de l'Atlantique. Écoutez ce petit poème pour deviner d'où elle vient. Vu d'une fenêtre, l'informatique s'amuse dans l'eau de la rivière. Vu d'une montagne, les hommes cultivent la canne à sucre, le cacao. Vu des airs, le volcan et ses flancs sont recouverts de verdure. Vu de dessous de l'eau, une palette de couleurs nage autour des patates de roche. Vu d'un vélo, les manguiers, les manzanillers, les cultures bananières défilent à mes côtés. Vu d'une plage, l'écume des brisants déferle comme de gros cumulus parmi les cieux. Vu d'une voiture, les routes ondulent au rythme des crêtes. Vu d'un bateau, la silhouette de l'île fait apprécier le regard que tu lui donnes. Vu de la côte, chaque anse ou baie, à sa manière, s'embellit. Mais, vu de l'espace, la Guadeloupe comment serait-elle? Aussi petite que sur un map monde, toute petite, entourée de bleu. Bonsoir Natacha. Merci de nous accompagner ce soir. Avant de commencer à parler de Noël, nous aimerions te poser quelques questions pour savoir si tu es déjà habitué à vivre en Espagne et si tu es déjà habitué à nos horaires, à notre cuisine et à la coutume de la sieste, par exemple. Alors, pour ce qui est des horaires, ça a été difficile pour les repas parce que en France, notamment en Guadeloupe, on mange à midi, voire à 13h. Et quand je suis arrivée ici, on m'en a mangé, il était 15h. Je me rappelle la première fois où Adela m'a donné rendez-vous à l'école. Elle m'a donné rendez-vous à midi. Donc je me suis dit, si elle me donne rendez-vous à midi, c'est qu'on va pas tarder. C'est juste quelque chose de rapide et ensuite on ira manger. Et j'ai vu passer l'heure, 13h, 14h. Et au bout d'un moment, j'avais tellement faim que je me suis dit, mais Adela, je comprends pas, on mange à quelle heure ici? Et elle me dit, mais on mange à 15h. Du coup, j'avais tellement faim que j'étais m'acheter des chips en attendant l'heure. Donc pour ce qui est des horaires de repas, je suis pas trop habituée. Maintenant, pour la cuisine en elle-même, oui, j'aime bien. De toute façon, tout ce qui est cuisine, généralement, on apprécie. Et les coutumes de la sieste, en Guadeloupe aussi, on fait la sieste. Donc ça va pas beaucoup changer. Quel est le jour le plus important de Noël guadeloupéen? Quel est le jour où toute la famille se réunit pour fêter Noël? Alors, le jour le plus important du Noël guadeloupéen, donc vous avez, en fait, ça commence dès le 24, donc décembre, où là, vous avez des fêtes qui sont organisées. Donc, généralement, on a ce qu'on appelle les chantés Noël. Donc, chantés Noël en créole, en français, mais des chansons de Noël, où on se réunit à partir du 24 décembre et on chante des chants qui sont en rapport avec Noël jusqu'à minuit. Ensuite, on a la messe de minuit où tout le monde se réunit. Et après cette messe, on va, on rentre chez nous et on doit visiter chaque voisin. Donc on passe de maison en maison pour voir nos voisins et pour manger avec eux. Donc généralement, on amène une bouteille, on amène un plat, peu importe. Le but, c'est qu'on passe dans chaque maison et qu'on visite tout le monde. Ensuite, le 25 décembre, on a un repas familial. Donc généralement, chaque personne reste chez soi avec sa famille et on déjeune ensemble des plats traditionnels qu'on fait généralement à Noël. Comment les rues guadeloupéennes sont-elles illuminées à Noël? Alors, il faut savoir qu'en Guadeloupe, ce qui est des illuminations, c'est pas pareil qu'en France ou éventuellement qu'en Espagne. Chez nous, on n'a pas cette coutume forcément d'illuminer les rues ou les maisons. Ça ne se fait pas particulièrement. Il y a 2 ou 3 ans, effectivement, on a commencé plus ou moins à mettre des lumières, mais c'est pas une coutume qui est propre à la Guadeloupe, ça ne se fait pas automatiquement. Vous aurez des petites lumières peut-être dans quelques rues, dans les rues les plus importantes, mais dans les petites communes, on n'a pas la coutume de mettre des lumières comme on voit peut-être en métropole ou en Espagne. Mettez-vous les sapins et la crèche à Noël? Alors, le sapin, oui, et la crèche également. Le sapin, donc on le met généralement, ça c'est plutôt pour les familles qui ont des petits-enfants en bas âge, donc jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Et la crèche, généralement, c'est plus dans les familles chrétiennes, où on a la coutume en fait de réaliser une vraie crèche, grandeur nature, comme on dit. Dans la maison, par exemple, vous aurez un coin de la maison où on va fabriquer une vraie crèche avec chaque personnage, le petit Jésus, les anges, tout ce qu'il y a autour en fait de la crèche qui est créée pour de vrai. Vous avez aussi des communes qui représentent, par exemple, au Gosier, à la mairie, vous avez un site où on peut créer une vraie crèche en grand, où tout le monde vient, où tout le monde chante. Et généralement, c'est une coutume. Mais le sapin, c'est moins répandu pour ce qui est des familles, ça se fait un peu moins. Avez-vous le personnage du Père Noël par influence des États-Unis? Alors effectivement, le personnage du Père Noël existe aussi en Guadeloupe, hein, mais il n'a pas la même valeur, je dirais, qu'en métropole ou dans les autres pays. Le Père Noël est très important pour les enfants qui ont jusqu'à 3-4 ans. Après, ils savent que c'est leurs parents qui leur mettent les cadeaux. Et on essaie en fait de plus en plus de leur inculquer des valeurs un petit peu plus religieuses que l'image du Père Noël. Donc c'est-à-dire qu'on va leur apprendre que ce sont leurs parents qui leur mettent des cadeaux et que la fête de Noël, ce n'est pas seulement recevoir des cadeaux, mais c'est aussi offrir des cadeaux aux gens qu'on aime. Donc le Père Noël existe, mais n'est pas aussi répandu et n'a pas autant d'influence que dans les autres pays. En quoi consiste le réveillon de Noël guadeloupéen? Alors, pour le réveillon donc, de Noël, on a ce qu'on appelle chez nous les chants de Noël. Donc, il faut savoir qu'en fait, pendant l'esclavage, les jésuites qui étaient venus pour coloniser et diffuser la religion catholique ont introduit les Noirs en fait, dans les églises pour chanter et participer aux messes du dimanche. Et petit à petit, en fait, les chants religieux sont devenus des chants traditionnels, c'est-à-dire des biguines ou le gros ka, c'est-à-dire un chant que l'on danse chez nous avec le ka. Donc les chants sont devenus synonymes de liberté de création et de rythme du corps. Et les cantiques, en fait, ont pour but de délivrer un message d'amour, d'espérance, de joie et de réconciliation. Donc maintenant, ce qu'on fait, nous, pour le réveillon de Noël, pour les fêtes de Noël, c'est qu'on organise des chants de Noël, c'est-à-dire des chants autour du gros ka, et on a ce qu'on appelle des passages de maison en maison. Pendant les fêtes de Noël, les esclaves avaient ce qu'on appelait la fête de Saint-Balthazar, qui était le roi en fait des Noirs. Et les Noirs avaient coutume d'aller de maison en maison pour demander des vivres ou de l'argent. Donc les instruments introduits à la nuit de Noël et les chants continuent jusqu'à la messe de minuit. Et après la messe, on se déplace de maison en maison pour chanter. Donc on avait coutume de fabriquer des instruments, par exemple un chacha, on prenait une bouteille vide, on mettait des pierres dedans, des petits cailloux, et donc ça faisait un instrument de musique. Ou on se mettait au coin d'une table et puis on battait des mains sur la table pour faire un tambour. Et donc petit à petit c'est devenu une tradition et c'est ce qu'on appelle le passage de maison en maison, où on peut aller chez notre voisin sans être invité, sans avoir à prévenir. Et il nous offre à manger et à boire, et on chante, on danse, on fête, etc. Et ça, en passant de maison en maison, dans chaque maison. En Espagne, à la Saint-Sylvestre, nous avalons deux raisins, un à chaque coupe de minuit. Selon la tradition, cela nous assure 2 mois de prospérité et de bonheur. Cette tradition existe chez vous? Comment fêtez-vous la Saint-Sylvestre? Alors en Guadeloupe, on dit aussi qu'il faut bien terminer l'année parce que la façon dont on termine l'année prédétermine la façon dont on va commencer l'année prochaine et toute l'année prochaine. Donc tout le monde essaie de terminer l'année sur une note positive, donc faut pas qu'il y ait de miroir qui se casse, ou faut pas passer sur une échelle, ou faut pas qu'il vous arrive quoi que ce soit durant la fin de l'année pour pouvoir bien commencer la nouvelle année. Alors à la Saint-Sylvestre, il n'y a pas de tradition comme en Espagne où il y a 12 raisins à avaler. Généralement pour la Saint-Sylvestre, on est entre amis, on boit, on chante, on danse, on mange, mais il n'y a pas une tradition spécifique ou quelque chose de spécifique à faire lors de la Saint-Sylvestre. Ce qu'on fait, c'est éventuellement boire du champagne, souhaiter la bonne année à ceux qu'on aime, à ceux qu'on n'aime pas aussi. Est-ce qu'il y a chez vous des superstitions qui portent bonheur pour la nouvelle année? Par exemple, s'habiller d'une couleur spéciale ou avoir un porte-bonheur? Alors, comme je viens de dire tout à l'heure, il n'y a pas de superstition spécifique qui porte bonheur, on n'en a pas chez nous. On considère que si on finit bien l'année, on la commence bien. Et on n'est pas obligé d'avoir un porte-bonheur ni une couleur spéciale, non, ça n'existe pas en Guadeloupe. Qu'est-ce que vous faites le jour de l'an? Alors pour le jour de l'an, généralement, ça se fête entre amis. Donc on se réunit tous entre amis, on sort en boîte de nuit ou on reste à la maison, on fait la fête avec les amis jusqu'à ce qu'arrive les minuit où on boit du champagne, on se souhaite la bonne année et les meilleurs vœux. C'est plus bel pays, sans candidat, sans candidat. Martinique, c'est plus bel pays, et puis grand rabio. En Espagne, le 5 janvier, les enfants passent quêter de maison en maison. Ils chantent devant chaque porte et reçoivent en échange de petits présents, dits étrennes, c'est-à-dire des cadeaux, de l'argent. Cette tradition existe-t-elle chez vous? Alors chez nous, on n'a pas cette tradition. Le 5 janvier, on fête l'épiphanie. Donc on fabrique ou on achète ce qu'on appelle la galette des oies. Donc la galette des oies, c'est une galette qui est faite à base de pâte brisée avec du coco à l'intérieur ou de l'amande, et on mange ça pour l'épiphanie, donc pour le 5 janvier. Ce qu'on a coutume de faire, c'est que celui qui trouve la fève donc dans la galette des oies est celui qui doit inviter et offrir les galettes des oies pour l'année suivante. Est-ce qu'il y a un cadeau spécial pour les enfants qui n'ont pas été sages pendant l'année? Qui l'apporte? Le père Fouettard? Alors, pour les enfants qui n'ont pas été sages pendant l'année, il n'y a pas de cadeau spécial pour enfants en méchant ou passage. Généralement, les enfants qui n'ont pas été sages, ils reçoivent un cadeau moins important que ce qu'ils auraient espéré. Et celui qui l'apporte n'est pas le père Fouettard, c'est toujours le Père Noël, pour ceux qui fêtent dans les familles le Père Noël, qui ont cette image du Père Noël. Il faut savoir que dans certaines familles, il n'y a pas le Père Noël et l'âge auquel on arrête de croire au Père Noël, généralement en Guadeloupe, c'est vers 5-6 ans. Les enfants ne croient plus au Père Noël parce qu'ils se rendent compte que ce sont leurs parents qui achètent les cadeaux et pas le Père Noël qui sort de Dieu sait où, qui leur amène les cadeaux. Donc dans les familles chrétiennes aussi, il n'y avait pas l'image du Père Noël. Donc dans certaines familles chrétiennes, les parents inculquaient à leurs enfants d'autres valeurs. Et donc ils savaient que ce n'était pas le Père Noël qui leur amenait des cadeaux, mais leurs propres parents qui leur offraient un cadeau en geste d'amour et de partage. Je soignais jusqu'au petit jour, comme si nos vies. Un grand merci à Natacha, à Marisol et à Almudena de leur participation dans cette interview. Bonne fête et à la rentrée.